vie t'as pas de pote. Attends, j'écoute ce que vous faites et je vois que c'est pas top. Le patron me dit protège tout, donc gros ça papote. Et les buts vont me faire des sommes, faudra que tu remontes la pote. Hey, j'ai pas le time, l'instru je te la décapite. J'fais le boulot, j'suis poli, jeune Renoir fait danser la capi. T'as le fait les CD même par les anciens mains sur la caipi. J'ai capté ta route dans la bouche, j'ai la faille du Capri. Autonome et du Yomardel, donc t'es étonné. Le nom Tony est pris par tout le monde, même par des montagnards. La Caroline, les viscères dans des conditions pas rouges, je me suis pas remis. La petite boulette dans un plat de ma carotte. Regarde nos vues sur internet, c'est pas moi de 5 à 10 l'heure. C'est pour les anciens de la street qui connaissent bien la zone. Je place pour tous ceux qui ont grandi sur du Easy E, NYC, PIG, Penalty. Ça fait des années qu'ils consomment trop de NSI. Et tu du cash et pète à la moins, t'as plus d'énergie. Tu crois que comme un porc, mon gars, t'as besoin de boire de l'eau. Boire de l'eau, je prends mes sous, je me boire de l'eau. Ça sert à rien d'entrer chez Gucci ici, t'as pas de l'eau. Tous les jours, quand je suis au tel, je pense à Marbella. Je vois déjà à Marbella à faire le pompe-là. La rue va t'allumer si tu te crois un peu de l'art. N'aie confiance en personne, prends tes couilles et ton arme. Pour le faire, faut le vouloir, pour le faire, faut le vouloir. Tu demandes comment je fais, j'ai plus le choix à Tupac. Si seulement tu savais ce qui se passait dans nos vies. Tellement de folie, boy, que je pourrais même faire un film. Devant moi, tu souris, derrière moi, tu me salis. Non, je veux pas ton salut, tu mérites qu'on t'allume. Je reviens à l'ancienne, retourner ta gros bâtie. Je suis posé dans 4-4 Merco, 4 Matic. Hier, j'ai claqué, aujourd'hui, je rentabilise. Je me suis retrouvé dans des tas fibro illicites. Au compte de chiffre d'affaires, on se fait plaisir sur le bénéfice. Souvent sous Jupiter, je suis à la recherche de l'inspire. C'est la côte West Coast, fuck de police. Smoke, oui, je baisse la vitesse, je le kill. Ça vend la plume magique en croco, perdant